Bonjour tout le monde, ravi d'être ici, je garde un très bon souvenir de mon passage en 2013. Je suis effectivement entre Paris et Tartu et j'enseigne à l'INALCO des langues finno-ougriennes, c'est-à-dire le finnois et l'estonien, et puis en même temps j'ai mon activité de recherche qui porte sur les populations finno-ougriennes de Russie, avec trois terrains dont en ce moment deux actifs. Quand je suis venue la dernière fois, je vous ai parlé surtout de Sibérie. Depuis, Yuri Vella, que je vous avais longuement présenté, est mort. Ah non, il était déjà mort, je pense. Il venait tout juste de mourir, effectivement, en 2013. Et du coup, je ne suis pas retournée. Mais je retourne tout à fait régulièrement, 2-3 fois par an, dans mes deux autres terrains, qui sont l'Oudmourtie, donc une république de la région de la Volga, et le Bashkortostan, qui est aussi une république de la région de Volga-Oural. Je vais surtout dans le nord, où il y a une population compacte d'Oudmourtes. Donc je suis vraiment dans le trait Oudmourtes. Et en réalité, quand j'ai commencé à concevoir cette intervention, je pensais prendre deux exemples dans la Fédération de Russie. Finalement, je m'arrêterai sur l'exemple Oudmourt, parce qu'il y a suffisamment de choses à dire, et l'exemple commis est en même temps très différent. Dans la présentation de ce séminaire, on avait bien insisté sur le fait qu'il s'agissait de parler d'aujourd'hui, et c'est bien ce que je vais faire, mais en même temps, pour comprendre aujourd'hui, j'ai bien essayé, mais je n'y arrive pas. Il faut que je passe par l'histoire. Donc je passe par l'histoire parce que les phénomènes, les choix qui sont faits aujourd'hui s'expliquent par une expérience historique qui se transmet non seulement dans le savoir mais dans l'émotion, et donc je ne peux pas faire l'économie d'une partie historique assez importante. Alors pourquoi cet aller-retour est aussi indispensable? C'est qu'on a affaire à un pays immense, cette Russie, qui a, d'après la terminologie officielle, une foultitude de nationalités, d'ethnies, donc, qui bénéficie d'un certain niveau de reconnaissance. Alors justement, quel est ce certain niveau de reconnaissance? Alors dans l'histoire, si je commence, mais je dirais, ça ira très vite à l'époque tsariste, évidemment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Ce qui est évidemment un problème pour celles des ethnies qui ont, à la fin du 19e siècle, un niveau de conscience ethnique élevé. Et il se trouve que ces ethnies-là se trouvent à l'ouest de la Russie, aux marges ouest. Il s'agit de Finlande, Balte, Pologne, Ukraine. Et les autres n'en sont pas au niveau d'avoir conscience d'elles-mêmes en tant que communauté politique, et le gouvernement tsariste au 19e siècle a cherché des solutions pour donner des statuts particuliers à différentes de ces populations, reconnaissant qu'elles en étaient à des stades différents de leur évolution. Bref, quand la révolution d'octobre éclate, il n'y a pas de reconnaissance institutionnelle des ethnies dont est faite la Russie. Alors, les bolcheviks qui prennent le pouvoir, évidemment, on parle de 1917, un petit peu comme si c'était la date où tout change. Attention, c'est un processus qui va durer environ 3, 4, 5 ans. Mais les bolcheviks qui ont les rênes du pouvoir en Russie, ils ne sont pas au départ très intéressés par l'ethnicité. Sur la base d'une idéologie marxiste classique, l'ethnicité fait partie de la superstructure, et ça fait partie de ces outils conceptuels destinés à effacer dans la conscience des gens là où se trouvent les réels problèmes, c'est-à-dire la lutte de classe. Bon, disons, ça c'est extrêmement simplifié, mais les bolcheviks n'ont pas un très grand intérêt pour ces questions. Il y a d'ailleurs eu un long débat avec les bolcheviks autrichiens, qui étaient eux aussi confrontés à un problème d'ethnicité, puisque dans l'Autriche-Hongrie, c'était des ethnies autrement consolidées, disons, que celles de l'Empire russe. Et les bolcheviks russes s'étaient trouvés du côté de ceux qui niaient l'importance des ethnicités. Mais quand ils se retrouvent à la tête d'un État multiethnique, les choses changent. Parce qu'il n'est plus question seulement d'idéologie abstraite, il est question de gérer un quotidien. Or, ils prennent le pouvoir dans situation de crise. D'abord, quand on dit « prennent le pouvoir », il y a en réalité une vacance du pouvoir, de manière très générale dans le pays. Ils sont isolés, donc ils doivent se trouver des alliés pour maintenir le pouvoir qu'ils ont réussi dans certains points cruciaux du pays à consolider. Et ils doivent faire face à des problèmes réels. Donc, ils ne peuvent plus ignorer les questions ethniques et le revirement va être très, très brusque. Et quand la réalité s'impose, c'est que l'importance de cette question ethnique, elle apparaît tout de suite quand on regarde les premières décisions du gouvernement bolchevique. 3 décrets sur la guerre, sur la terre et sur les nationalités. La guerre, évidemment, puisque la Russie est en guerre, il faut des conditions, il faut se débarrasser de ce poids extérieur qui, en plus, d'après les convictions des bolcheviks, ne concernait en rien les peuples. Donc arrêter la guerre. La terre, parce que c'est un pays agraire et que il faut débarrasser ce pays du pouvoir des grands féodaux. Et puis, les nationalités. Alors, quand on regarde ce décret sur les nationalités, on est quand même un peu surpris. Surtout quand on le regarde, quand on s'intéresse aux nationalités du centre du territoire. Parce que il va très loin. Il va jusqu'à déclarer le droit à l'autodétermination des nationalités de Russie. Alors, si vous pensez aux Ranti éleveurs de rennes, ou si vous pensez aux Oudmourtes en plein cœur du territoire russe, cette idée d'autodétermination, elle n'a pas grand sens. Mais ce ne sont pas que des mots creux, parce que l'autodétermination, elle a en revanche un sens considérable pour les nationalités qui posent problème, à ce moment-là, problème politique aux bolcheviks, qui sont les nationalités occidentales. Pologne, Finlande, Pays baltes, Ukraine, les marges occidentales, et la première des voies de solution de ce problème pour les bolcheviks, c'est on s'en débarrasse. Alors, ils reviendront dessus, ils vont essayer de ne pas trop perdre après une première fois. Mais c'est en pensant à elle que le décret sur les nationalités a été conçu dès la prise de pouvoir bolchevique. Ceci dit, cela les amène aussi à réfléchir à quel État, quel type d'État on veut construire. Et là, je pense qu'il faut s'arrêter un moment sur la personnalité de Lénine. Parce que je pense qu'on n'est pas encore arrivé à un moment de l'histoire où on puisse travailler impartialement sur Lénine. C'est encore une figure qui suscite des émotions extrêmement violentes en Russie, qu'elles soient d'amour ou de haine. Mais en regardant les choses avec un tout petit peu de distance, nous n'oublions pas que c'est un être humain, c'est un dirigeant, mais c'est un être humain, c'est quelqu'un qui est né quelque part, c'est quelqu'un qui a grandi dans certaines conditions, et c'est quelqu'un qui est héritier de certaines... d'une certaine histoire idéologique. Et dans cette histoire, il y a le fait qu'il est né dans la région de la Volga, justement. Qu'il est né dans cette mosaïque de nationalité qu'est la région de la Volga. Ça, on y reviendra tout à l'heure, notamment avec une carte. Non seulement il y est né, mais son père était inspecteur des écoles missionnaires pour nationalité, très précisément des écoles chouvaches. C'est-à-dire que, dans toute son enfance, il a entendu parler de l'affirmation de la langue chouvache, qui était dans l'objectif des missionnaires. À ce moment-là, l'idée des missionnaires, et vous pouvez sentir l'origine idéologique de certaines conceptions léninistes était d'avoir un contenu chrétien dans une forme nationale, c'est-à-dire en langue vernaculaire, faire passer un contenu chrétien. Et je suis une chercheuse israélienne, Isabelle Kreindl, qui estime que c'est certainement sur la base de cette expérience-là que Lénine va concevoir un contenu socialiste dans une forme nationale. Son slogan, le slogan qui fonde la dite politique léniniste des nationalités. En plus, il a été à l'étranger. Donc, il n'a pas qu'une perspective étroitement russe. Il a vécu à l'étranger, il a vécu dans des pays, entre autres, qui utilisent l'alphabet latin. Et ça l'a amené à voir le fait russe avec des yeux un peu différents que ceux de quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'étranger. Par exemple, Staline, entre autres. Et une chose qui est caractéristique de Lénine, c'est qu'il n'a pas de sympathie pour ce qu'il appelle le chauvinisme grand russe. Là, j'utilise la terminologie de l'époque. Mais évidemment, qui est ce nationalisme grand russe qui considère que les Russes sont porteurs d'une mission historique vis-à-vis de tous les autres peuples de la Terre. Ça, Lénine n'a pas de sympathie pour cela. Alors, Lénine, il est hors du jeu en 1922. Malgré tout, il a posé un certain nombre de bases idéologiques. Et la Russie étant ce qu'elle est, et les bolcheviks en héritant au moment où ils en héritent, ils prennent une décision qui est toujours en œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire de construire l'édifice administratif de ce pays sur base ethnique. Ça a des conséquences un petit peu partout, c'est-à-dire que la structuration du territoire va reposer sur une base ethnique. Alors évidemment, il n'y a pas de problème là où il n'y a que des Russes, qui est une partie importante quand même du territoire. Là, il va y avoir des frontières administratives qui recoupent les frontières historiques de l'administration tsariste. Mais là où il y a des nationalités, je vais continuer à utiliser ce terme, eh bien, on va donner à ces nationalités des territoires dans lesquels elles sont dominantes et dans lesquels elles vont pouvoir mettre en œuvre une certaine forme d'autodétermination d'autonomie. L'une des raisons derrière cette décision est certainement aussi le besoin qu'ont les bolcheviks, un besoin criant, un besoin vital d'alliés. Et les alliés, il faut aller les chercher là où les autres, c'est-à-dire les blancs, ne risquent pas de trouver de la sympathie. Finalement, chez ceux qui ne regrettent pas le tsarisme. Et il y a toutes sortes de catégories qui ne regrettent pas le tsarisme. Il y a les jeunes. Les jeunes. Le tsarisme, et d'ailleurs, ça, c'est une vieille tradition. La tradition russe, je pense que beaucoup d'entre nous se souviennent de la période soviétique et de la gérontocratie soviétique. Mais en tout cas, c'est un pays dans lequel l'âge compte. Parce que la société est pour l'essentiel traditionnelle et que sont les vieux qui dirigent. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas beaucoup d'espace. Ils ont de l'énergie, mais n'ont pas beaucoup d'espace politique pour s'affirmer. Pour aussi faire valoir leurs intérêts. On n'avait qu'à penser, par exemple, dans le cadre des communautés agraires, les jeunes, pour se séparer du terrain, pour avoir un terrain à eux à cultiver, ils se heurtaient à toutes les réticences de la direction de la communauté agraire. C'est toutes sortes de choses, même au quotidien. Et c'est évident que la perspective révolutionnaire, elle est enthousiasmante, justement, pour cette catégorie. Ils vont aller chercher des alliés du côté des femmes, par exemple. Et la première période bolchevique est une période de féminisme, à certains moments presque outrancier. Ça fait sourire quand on pense à ce vers quoi l'Union soviétique a évolué plus tard. Mais à cette époque-là, c'est une époque de bouillonnement intellectuel. Et puis, les nationalités. Parce que, justement, comme elle n'avait aucune reconnaissance à l'époque tsariste, de manière générale, les nationalités ont accueilli ce nouveau pouvoir avec sympathie. Nous savons, de par ce que nous connaissons de la guerre civile, que Il y a eu des atrocités de part et d'autre. Personne n'a été immune. Mais de manière générale, contre les populations paysannes, c'est surtout les Blancs qui se sont livrés à des atrocités, plus que les Rouges. Alors c'est peut-être difficile de faire peser dans la balance les deux côtés, mais de manière générale, les Rouges ont réussi à avoir le soutien des nationalités grâce à une politique de reconnaissance. Donc, cette politique de mettre en place des espaces qui seraient consacrés à des ethnies a des conséquences sur le territoire. C'est toute l'activité du commissariat aux nationalités dirigé par Staline entre 1919 et 1920. Ça met environ 2 ans. Parce qu'il faut déterminer des frontières très concrètes. Pas où passe-t-elle, où s'arrête telle ou telle juridiction. Donc elle travaille sur le terrain, des représentants du commissariat, sur tout cet immense territoire. Il faut aussi, et ça on en parle un peu moins, même si ça ne nous concerne pas forcément directement aujourd'hui, puisqu'on parle de République, il faut consolider des ethnies. Si on a décidé que l'ethnicité serait le fondement sur lequel construire l'édifice administratif, ben ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait. Et c'est comme ça qu'un certain nombre d'ethnies, alors pas parmi celles qui ont des centaines de milliers de personnes, mais notamment chez les peuples du Nord, que certains groupes vont se voir attribuer un nom sans qu'ils se soient, alors qu'ils ne se reconnaissaient peut-être pas forcément eux-mêmes derrière ce nom, et ils vont commencer à apparaître dans les recensements. Donc on va avoir une sorte de création d'ethnies, alors pas à partir de rien, mais souvent dans des situations où il n'y avait pas un embryon de conscience ethnique qui avait émergé. Alors, si nous parlons des Finno-Ugriens dans l'Empire, je vais faire un tour d'horizon, d'ouest en est, et je vais commencer par les Féniques, au nord-ouest de la Russie. Alors, là, il y a une très grande diversité de situations. Oui, là, sur cette carte, nous avons les groupes sur la base des langues diverses. C'est un continuum linguistique, de toute manière. La similitude de ces langues, elle se perçoit à l'œil nu. Alors, nous avons une Estonie qui devient indépendante en 1920, donc elle est out, elle ne concerne plus la Russie. Plus compliqué avec la Finlande, en fait. Parce que la Finlande, dans le processus d'indépendance, va être déchirée par une guerre civile entre blancs et rouges, entre nationalistes, entre guillemets, et prolétaires, évidemment soutenus par la Russie bolchevique. Et cette guerre qui était un traumatisme énorme pour la Finlande, un traumatisme dont la Finlande commence à se sortir 60 ans plus tard, avec certaines œuvres d'écrivains qui réhabilitent d'une certaine manière les perdants de la guerre. C'est une guerre civile, c'est-à-dire qu'elle concerne la population. Et c'est pas comme en Russie, une guerre civile où il y a des troupes rouges et des troupes blanches, puis une population neutre dans le coin. La Finlande est vraiment partagée en termes de famille et de position. Alors, si je parle de la Finlande qui ne nous concerne pas ici aujourd'hui, c'est qu'il y a une continuité territoriale avec un territoire habité par des populations finniques qui parlent une langue qui n'est pas directement le finnois, mais qui peut être considérée comme un dialecte du finnois, en tout cas un dialecte finnique, qui est le carélien. Et la Carélie, elle est divisée depuis le XIVe siècle entre Russie et Finlande. Donc, la Carélie n'a jamais été finlandaise. Elle a toujours été entre ces deux déchirés, entre ces deux pouvoirs, pouvoir occidental et un pouvoir oriental. Et avec la défaite des Rouges en Finlande, les dirigeants des Rouges vont émigrer en Carélie, juste de l'autre côté de la frontière. Et ils vont essayer de construire dans la Russie soviétique, une Finlande idéale, la Finlande de leur rêve. Et donc, on a là une situation qui est très particulière. Ce n'est pas un hasard. Si la Carélie est une république socialiste soviétique pendant un moment, la 16e, et ce n'est pas un hasard si la langue officielle à égalité avec le russe de la Carélie était non pas le carélien, mais le finnois. C'est-à-dire que jusqu'à pendant toute la période soviétique, le finnois était langue officielle en Carélie. Et par exemple, la littérature carélienne est une littérature écrite en finnois. Et ce n'est que vers la fin de la période soviétique qu'on a vu apparaître à l'écrit des langues caréliennes. Alors en plus, il n'y en a pas une, il y en a trois. Qui ont commencé à s'écrire et qui maintenant vont s'écrire nettement davantage. Alors je ne vais pas non plus beaucoup me concentrer sur la Carélie, je vais simplement évoquer le fait que la proximité de cette Finlande bourgeoise, l'énorme bourgeoise évidemment entre guillemets, c'est la terminologie soviétique, dès que la situation internationale va se tendre, c'est-à-dire dans les années 30, sans parler de la période où éclate la guerre avec la Finlande, toutes ces populations là en couleur vont être considérées comme potentiellement une cinquième colonne et il va y avoir des déportations massives dans le centre de la Russie, au Kazakhstan, en Sibérie, de ces populations qui ont une destinée difficile. Mais je vais surtout m'arrêter là-dessus, c'est-à-dire sur les peuples de Russie centrale, qui sont des communautés de plusieurs centaines de milliers de personnes, à forte identité, alors à forte identité et pour certains à vie politique développée. Alors, c'est le cas évidemment de ceux qui sont en vert sur cette carte. C'est-à-dire, alors. En réalité, ceux qui sont en vert sont les endroits où on parle des langues turciques. Ceux qui ont une très forte identité affirmée, sont ceux qui non seulement sont turciques, mais sont aussi musulmans. C'est-à-dire les Tatars, qui habitent au Tatarstan, et les Bashkirs, qui habitent au Bashkortostan. Il y a beaucoup de Tatars au Bashkortostan aussi. Les Tchouvaches ont partagé de grands traits d'histoire avec les Violets de la région de la Volga, les Finno-Ougriens, notamment l'évangélisation. C'est-à-dire que du point de vue de leur culture et du point de vue des questions de maintien de langue, de conscience identitaire, ils sont beaucoup plus proches des Finno-Ougriens. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, leur drame parce que les gens qui étudient les Turciques ne s'intéressent pas aux Tchouvaches en général et les gens qui travaillent sur les Finno-Ougriens ne s'occupent pas d'eux non plus. Donc il y a un petit vide dans la recherche qu'il faudrait essayer de combler. Bref, les populations Finno-Ougriennes, des populations animistes traditionnellement christianisées surtout entre 1740 et 1767, les dates sont très précises parce qu'en 1940, il y a eu une institution qui a été créée pour les évangéliser qui, cette fois-ci, a marché, contrairement aux tentatives précédentes. Et 1767, c'est le décret sur la liberté de culte de Catherine II, où on ne peut plus contraindre des gens à adopter un culte qu'ils ne veulent pas. Mais dans ces 27 ans, l'ensemble de la population des animistes de la Volga avait été évangélisée. Donc, c'est venu quand, en fait, ils ne pouvaient vraiment plus en profiter. Donc, ces populations, donc Mordve, Mari, Oudmourte, sont en cours d'éveil. Elles sont en cours d'éveil en partie justement à cause de la politique choisie par les missionnaires. Missionnaires ont fait le choix, dans la deuxième moitié du 19e siècle, de développer les langues vernaculaires, sur la base du principe qu'on ne peut devenir chrétien que si on reçoit le message chrétien au fond du cœur, et ça, il n'y a que la langue maternelle qui peut le faire. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont développé des identités minoritaires, et quand arrive la révolution d'octobre, il n'y a pas d'élite politique chez les Finno-Ougriens Il y a très peu de bolcheviques, il n'y a pas de mouvements nationaux, mais il y a une couche intellectuelle qui veut promouvoir sa propre culture. Or, cette priorité aux revendications culturelles est très confortable pour les bolcheviques. Ça, ils comprennent. Et ça, ça ne les menace pas directement. Chez les Tatars, il y a toutes sortes de mouvements politiques. Il y a des islamistes, il y a des communistes nationaux, il y a toutes sortes de vies, une vie politique qui, dans laquelle les bolcheviques doivent tirer leur épingle du jeu. Chez les autres, non. Chez les autres, il n'y a pas de parti politique organisé. Les autres, pour les autres, il y a des intellectuels qui réclament de la dignité, qui réclament une place pour leur langue dans la vie commune, dans la vie publique. Aucun problème. Lénine n'est plus réellement là pour diriger le pays, mais dans la conception qu'il a mise en place, il y a de la place pour tout ça. Il n'y a aucune contradiction. Alors, il y a une exception, c'est-à-dire un cas à part, qui est un cas extrêmement intéressant, même si je ne l'ai pas... Peut-être on pourra en discuter après, qui est, voilà, la République des commis, là, tout à fait en haut. Qu'est-ce qu'il y a de particulier du côté commis? Ce qu'il y a de particulier, c'est que, vous voyez là, je pense à la géopolitique historique, toute cette partie-là a été sous pouvoir turc jusqu'en 1552, plus précis. C'est-à-dire qu'il y avait un État qui empêchait l'expansion de population russe dans le centre du pays. Alors, les Russes, alors les paysans voulant fuir, et puis tout simplement une partie de la population, pour s'étendre, et s'étendaient vers le nord. Et c'est comme ça que les commis ont été les premiers, les Finno-Ougriens, à avoir des contacts très proches avec les Russes, très précisément à être évangélisés au XIVe siècle. Une évangélisation qui n'a manifestement pas été d'une grande violence. Elle n'a pas été acquise par le fer et par le feu. Et quand vient la Révolution, les commis ont déjà un embryon de vie politique. Il y a des blancs commis. Il y a des rouges commis et il y a des blancs commis. D'ailleurs, certains ne survivront pas, mais certains, je pense notamment au futur sociologue américain Peterim Sorokin, qui est commis, émigre, et Peterim Sorokin était engagé, jeune homme, du côté des blancs. Les rouges commis, donc ce sont des... En général, on trouve des intellectuels parmi eux. Ce sont des commis qui ont une expérience de travail en usine à l'extérieur du pays commis, certains en Ukraine, par exemple, certains en Russie centrale, qui reviennent et qui sont, eux, on peut dire, engagés pour la défense de la culture commune. Ils sont en même temps communistes, mais ils prennent au sérieux les positions du Parti communiste de Moscou, ils sont dans les années 20, et ils vont se battre pour les intérêts des commis. Alors, les commis sont 90% sur ce territoire à ce moment-là. À un certain moment, ça commence à gêner Moscou. Donc il va y avoir une sorte de bras de fer entre Moscou et ses commis, qui sont considérés dès les années 20 comme des nationalistes. Par exemple, acte nationaliste s'il en est, les commis se sont donné un alphabet. Un linguiste commis, en 1920, a proposé un alphabet qui repose sur les particularités phonématiques du commis, qui répond exactement à la structure phonémique de la langue, et qui, certes, elle s'appuie sur le cyrillique, mais il y a toutes sortes de petites cédilles, des choses qui vont marquer... notamment la palatalisation des consonnes, puisqu'en russe, c'est en général la voyelle qui va marquer la palatalisation d'une consonne. Donc, et cet alphabet va durer en République Komi avec un petit intermède latin jusqu'en 1938. C'est donc une situation un peu particulière, mais finalement, évidemment, Moscou aura bien cause et toute la direction communiste Komi y passera, sera réprimée et ne survivra pas à la guerre. Alors, pour continuer cet aperçu, les autres, c'est les peuples du Nord. Alors, les peuples du Nord, finno-ougriens, sont ceux qui sont le plus à l'ouest, dans ces couleurs rouge-violette, qui ne sont pas particulièrement alphabétisés pendant la Révolution, qui ne sont intégrés que très ponctuellement dans la vie du pays. Et là, les bolcheviks vont vouloir les intégrer dans le projet soviétique, en faire des ethnies soviétiques, ce qui implique d'une part de créer des médiateurs, parce que les médiateurs n'existaient pas, il faut pouvoir parler avec ces gens, pouvoir les convaincre, ou en tout cas leur faire passer l'idéologie soviétique, et puis c'est pas possible dans le cadre du projet soviétique d'avoir des inégalités entre citoyens soviétiques. Donc tous les privilèges dont bénéficiaient les peuples du Nord à l'époque tsariste et dont ils ont bénéficié dans les premières années du bolchevisme vont être petit à petit retirés. Par exemple, ils n'étaient pas pris pour le service militaire. Il n'y a pas de service militaire pour les peuples du Nord. Ça, c'est fini. Comment peut-il y avoir des citoyens soviétiques qui ne partagent pas les droits et les devoirs de tous les autres? Il y a un décalage chronologique évidemment avec le reste du pays et on le voit assez bien dans les structures d'autonomie qui vont être mises en place. Alors, je me remets sur cette carte là pour maintenant vous dire exactement ce qui a été fait du point de vue de l'autodétermination ou précis des populations de Russie centrale. Les années 1920-21 sont les années où sont mises en place des territoires avec des frontières. C'est plus ou moins les frontières qu'il y a ici. Bon, il y a eu quelques petits ajustements de frontières au cours de l'histoire, mais rien de très significatif. Les premiers sont les Mari et les Oudmourtes, qui, le 4 décembre 1920, se voit attribuer une région nationale, oblast, c'est le nom de cette région. Les commis suivent en 1921 et ça n'existe pas à ce moment-là. Pour une raison, j'ai envie de dire que je peux même très bien comprendre, c'est que la population morde est éparpillée. Elle est caractérisée par un énorme éparpillement. En fait, il y a des morts partout, là. Même dans l'oblast de Samara, même dans l'oblast de Saratov. Et le législateur n'a pas réussi à identifier un territoire où il y aurait suffisamment de morts pour en faire un territoire morde. Alors, ça viendra en 1930, mais encore aujourd'hui, n'habite en Mordovie que 30% des mordes. Et en Mordovie aussi, l'éparpillement est tout à fait impressionnant. Ces régions autonomes vont voir, dans les années 30, leur statut s'élever. Elles vont être considérées entre 1934 et 1936. On va leur attribuer le statut de république. Le mot république arrive et ça commence par la Mordovie qui fait une progression fulgurante de rien du tout à république. Et ce sera ensuite les Oudmourtes fin 34 et les Mari et les Komi fin 36. Peut-être encore une petite remarque à propos des Komi. Vous voyez ces petits traits là, violet, deux communautés parlant une langue commune, différence dialectale, d'ordre dialectal, existaient, séparées par une grande forêt, et séparées aussi par une histoire différente, parce que ceux du sud, les Termiaques, avaient été intégrés dans les mines de sel des Stroganov, donc étaient vraiment non pas des paysans de la couronne, mais des paysans dépendants d'une famille aristocratique. Donc ils sont connus servages, le véritable servage. Et aussi bien les commis de Septivkar que les commis Permiak, dans les années 20, ont voulu faire partie d'un seul territoire. Et c'est là que Moscou est née. La Moscou a été infléchible. Parce que justement, les commis étaient soupçonnés de vouloir créer un grand pouvoir commis dans le nord-est de la Russie d'Europe, et ça, c'était quelque chose d'insupportable. Et pour finalement trouver une solution de compromis, ils ont accordé en 1925 au commis Permiak une nouvelle structure autonome qui s'appelle un arrondissement autonome, qui les a mis dans une position extrêmement curieuse parce qu'ils étaient en même temps directement dépendants de Moscou et en même temps intégrés dans la région de Perm où se trouve ce territoire. Donc il y avait là une anomalie qui a duré jusqu'en 2005. Alors, curieusement, ce passage en république, au statut de république, survient à un moment où tous les acquis de la période précédente sont fondamentalement remis en cause. D'une certaine manière, on démolit le contenu et on lui donne une forme plus reluisante. Il y a une première phase qu'on peut évaluer jusqu'en... Alors, ce ne sont pas forcément des événements qui vont marquer le passage d'une phase à l'autre, mais c'est des processus entre 1928 et 1933. Ce qui précède cette période est un énorme mouvement d'affirmation identitaire, c'est-à-dire une multiplication des énergies des intellectuels qui font tout, qui publient dans la presse, qui créent un théâtre national, créent des musées, écrivent des manuels, qui d'abord norment les langues, parce qu'il fallait quand même, pour enseigner une langue, il faut qu'il y ait une orthographe à enseigner, il faut qu'il y ait des règles de grammaire, il faut décider quel dialecte, ça. Il y a tout ce travail qui est fait très vite pour les langues, il est fait dans les toutes premières années. Et puis après, il y a une œuvre de création, entre autres littéraire, considérable, et c'est une phase caractérisée par l'enthousiasme. Par l'émergence d'une véritable intelligentsia, et j'ai envie de dire, ça c'est quelque chose qui peut apparaître comme étonnant, par un véritable soutien de Moscou. Parce que partout il y a des Russes, quand même, partout il y a des Russes qui ne sont pas forcément contents du tour que prennent les choses, et de l'importance donnée à ces rustres. Ah oui, parce que les Russes ont leur conscience d'être supérieurs et civilisés. Et puis maintenant, on prête attention à ces gens-là. Et dans les conflits qui émergent, ce sera notamment le cas en Russie, Moscou prend toujours le parti, dans les années 20, de soutenir les nationalités. On peut suivre dans les différents congrès du parti l'évolution de la terminologie. En 1925, le congrès du parti détermine qu'il y a deux dangers. Il y a le chauvinisme grand russe et le nationalisme bourgeois. Les termes. Le chauvinisme grand russe, à la fin des années 20, disparaît. C'est aussi une période où, petit à petit, la garde bolchevique issue de la révolution, avec ces vieux bolcheviks qui avaient été exilés, c'est-à-dire qui connaissaient autre chose que la Russie, est remplacée par une couche de dirigeants qui est extrêmement enracinée dans sa Russie, qui ne connaît rien d'autre. C'est la première phase. La deuxième phase, alors, le tournant peut-être la collectivisation en 1928, certes, mais surtout c'est une phase d'attaque contre les ethnicités. Et bon, la disparition du terme chauvinisme grand russe en est un signe palpable, si tant est qu'on puisse palper une absence, mais surtout le fait que dans ces régions on commence à tenir des procès contre l'intelligentsia nationale. Et ce sont des procès alors qui commencent en 1931. Il y a un coup d'essai au Mariel avec une rafle qui va mettre en prison les principaux intellectuels maris. Ils sont accusés d'être des fédéralistes. Et puis ça retombe. Finalement, ces accusations ne sont pas prouvées. Ça retombe, ils sont libérés. Mais en 1932, c'est le véritable coup de filet. Ce coup de filet en Oudmoursie, justement, à Ijevsk, et pas seulement, où 25 à 30 intellectuels finno-ougriens, surtout Oudmourt, mais aussi des autres régions, sont arrêtés, accusés d'avoir créé une organisation contre-révolutionnaire, ça c'est le terme de l'époque, pour promouvoir les intérêts de la Finlande et de l'Estonie. Et créer un grand protectorat finlandais, je dirais de l'Atlantique à l'Oural. Donc, quand je dis la chose comme ça, c'est évidemment une absurdité. C'est impensable. Mais cette absurdité, que ce soit une absurdité, ça ne compte pas, en fait. Il y a un grand procès, le principal intellectuel Oudmourt y est le principal accusé. Et par ce procès, et par tous ceux qui suivront jusqu'en 1938, les autorités éliminent physiquement et moralement toute l'intelligentsia. Et ça va être la même chose dans toutes les régions. Alors, physiquement, parce que les gens sont reconnus coupables et sont envoyés en camp, et puis la plupart d'entre eux en meurent, très peu en reviennent. Moralement, parce qu'entre-temps, ceux qui ne sont pas accusés, on les oblige à accuser ceux qui sont accusés. C'est-à-dire à tourner l'intelligentsia, les gens de l'intelligentsia, les uns contre les autres, ce qui fait que plus personne n'a d'autorité morale. Cela s'accompagne de répression systématique contre le monde rural, ça avait commencé avec la collectivisation, avec l'élimination des paysans riches, contre les pratiques religieuses. C'est clair que les soviétiques n'ont jamais eu de sympathie pour la religion, bon, ça c'est un euphémisme. Ils ont persécuté les orthodoxes, détruit les églises, ça ça se passe encore dans les années 20 déjà. Mais au début, ils ont laissé tranquille les religions ethniques. À partir des années 30, c'est fini. Maintenant, dans les sacrificateurs, dans les villages, sont eux aussi soumis aux répressions. Alors, il fallait en parler, parce que l'une des conséquences, c'est l'installation durable dans ces régions, et j'insiste, durable de la peur. Tout ce qui a un rapport avec l'ethnicité est quelque chose qui est teinté de danger. Et ça, ça s'est transmis, c'est quelque chose que moi j'ai vu de mes yeux vus. Et je n'ai pas connu cette période. Il y a table rase, il y a l'élimination de toute une génération de cadres. Mais c'est une élimination qui va plus loin que la simple élimination physique. Jusque dans les années 1955, les noms de ces intellectuels qui avaient créé une culture nationale dans les années 20, était tabou. Il n'existait pas. On n'en parlait pas. On pouvait écrire des histoires de la littérature oudmourte sans parler de la simple existence de Kuzeba et Gerd. Et ce n'est qu'avec le début de la déstalinisation que les archives commencent à s'ouvrir et qu'ils découvrent qu'ils ont eu des gens qui écrivaient dans leur langue et qui ont écrit des choses tout à fait intéressantes et impressionnantes. pour le, j'ai les données précises pour le, l'Union des écrivains commis. Il n'y a pas un seul survivant en 1945. Pas une seule personne qui était écrivain dans les années 30. Et puis traumatisme sur traumatisme, parce qu'il y a la guerre. Et la guerre est un réel traumatisme pour l'ensemble de la population soviétique. Pas seulement pour les nationalités, évidemment. C'est un traumatisme à deux niveaux, parce que les hommes, les garçons, sont sur le front avec les souffrances que cela implique. Mais les femmes et les personnes plus âgées, ils sont à l'arrière, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement réduits en esclavage pour les besoins du front. C'est-à-dire que on les fait travailler en usine pour créer pour des armes, pour des chemins de fer. Et puis ceux qui, le monde paysan, toute la production agricole, elle part au front. Donc il y a famine. On n'en parle pas assez de ça. Mais quand on peut être surpris de l'importance qu'a pour la population russe tout le mythe autour de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des raisons qui ne sont pas simplement dans l'expérience des combattants, qui sont dans les terribles traumatismes, dans les morts, dans les pertes qu'il y a eu pour la population civile. Et cela explique que tout ce qui met en cause le sens qu'ils ont donné à ces souffrances, finalement compensé par le fait qu'on souffrait pour notre patrie, on souffrait pour libérer le monde des fascistes. Que toute remise en cause de ce postulat est douloureuse et est inacceptable. D'ailleurs, toute remise en cause de ce postulat est aujourd'hui criminalisée dans la Russie de Poutine. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a par exemple tous les débats, enfin qui ne sont pas réellement des débats avec les Estoniens, qui prétendent que l'occupation soviétique n'a pas été une libération. Parce que ils sont tombés sur une autre pression et que il n'y avait pas de différence entre les oppressions. Il y a ça derrière aussi. Alors l'après-guerre. On peut diviser l'après-guerre en trois phases. Celle que j'appellerais du stalinisme et du post-stalinisme, qui va pratiquement jusqu'en 1960. Parce qu'évidemment, le 20e congrès en 1956 amorce la déstalinisation, mais il faut du temps. D'abord, on reconstruit le pays. Mais pour reconstruire le pays, pour donner des forces à cette population qui est exsangue, la stratégie de Staline est de glorifier le sacrifice du peuple russe. Attention, pas du peuple soviétique, du peuple russe. Et si on regarde les matériaux qui sont publiés entre 1945 et 1953, on y a partout le grand peuple russe, la grande langue russe, la langue de Lénine, etc. Tout ce qui est russe est marqué du sceau de la gloire. Et la répression recommence de ce point de vue-là. La guerre n'a pas changé fondamentalement l'approche des autorités sur le fait ethnique. Mais sur tout ça, ça il faut qu'on s'en rende compte, les cadres formels, eux, n'ont pas changé. On continue d'enseigner les langues. Alors certes, dans les langues, il y a énormément de mots d'emprunt russe, plus ou moins adaptés, plus ou moins que plus d'ailleurs, aux règles phonétiques de la langue. Mais c'est un petit peu comme ce qu'on a vu dans les années 30. On a des républiques au moment où toutes les activités créatives en faveur de l'ethnie éponyme disparaissent. Et là aussi, le contenu est complètement vidé. Je veux dire, la littérature entre 45 et 53, c'est de la littérature de plan quinquennal. On ne peut pas publier autre chose. On ne peut pas publier des poèmes d'amour, hein, à l'époque, parce que l'amour est un sentiment bourgeois qui éloigne les gens des préoccupations sociales. On arrive à ce type d'extrême. Alors, après 1956, évidemment, les choses redeviennent beaucoup plus normales. Mais on pourrait écrire des poèmes de plan quinquennal dans les langues vernaculaires. Elles sont enseignées à l'école. De ce point de vue-là, le cadre reste en place. Alors, deuxième phase, c'est une phase qui est vraiment contradictoire, parce que d'une part, on a le dégel, on en a tous des souvenirs ou des connaissances, c'est-à-dire la situation idéologique s'allège, on commence à réhabiliter les gens qui ont été condamnés, on découvre que des ennemis du peuple n'étaient finalement pas si ennemis du peuple que ça. Donc il y a des satisfactions, mais en même temps, il commence à y avoir de véritables attaques sur le fond à ce cadre qui était formel, mais qui maintenant va disparaître. Notamment, si les tabous sont levés dans la vie intellectuelle, les langues commencent à être éliminées de l'école. C'est-à-dire qu'on n'enseigne plus les langues, ou plutôt, c'est beaucoup plus fin que ça. En 1958, un décret rend l'enseignement des langues vernaculaires facultatives à l'école. Ça dépend maintenant des parents. Des parents qui sont sortis de cette terrible peur qui s'est installée aux tripes et qui évidemment veulent le bien de leurs enfants et qui se disent il vaut mieux qu'il n'ait rien à faire avec cette langue qui ne nous a causé que des ennuis. Et ça amène pratiquement à la disparition, sauf dans des cadres d'écoles primaires de campagne, disons, des langues vernaculaires à l'école. Donc, même si officiellement la politique dite léniniste des nationalités n'est pas remise en cause, dans les faits, tout ce qui est en rapport avec l'ethnicité est devenu suspect. Il y a eu, entre dans des processus migratoires qui font que partout dans les années 70, les autochtones sont minoritaires sur leur territoire. Les Russes deviennent dominants. Et la culture russe, je ne sais pas à quel point cela vous est familier, mais est une culture monolingue militante. C'est-à-dire que automatiquement les Russes ont tendance à considérer que si on utilise une autre langue que le russe, c'est qu'on dit du mal d'eux. Et c'est quelque chose qui est rédhibitoire. La transmission s'interrompt. Et c'est entre 1960 et 1985 que les attaques les moins spectaculaires mais les plus profondes sont portées évidemment sur le terreau qui avait été préparé par les répressions des années 30. Alors la phase 3, et on s'approche vraiment du contemporain, on peut dire que c'est entre 1985 et la fin, l'écroulement de l'Union soviétique en 91. Est une phase dont peut-être certains d'entre nous se souviennent, marquée par les deux mots russes de perestroïka, c'est-à-dire restructuration de l'État, et glasnost, c'est-à-dire transparence, avec l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev. Elle touche les finno-ougriens en retard par rapport aux Russes. C'est-à-dire que les Russes commencent assez vite, dès que Gorbatchev donne les premiers signes, ils commencent à parler du stalinisme, ils commencent à parler des répressions, de tout ce qui fait mal. Finalement, les bouches s'ouvrent et là il y a une grande entreprise de libération collective des choses réprimées. La glasnost devient politique officielle en 86-87. Chez les finno-ougriens, c'est tout au plus en 89 que les langues commencent à se délier, juste 2 ans avant l'écroulement de l'Union soviétique. Et on le comprend, avec les traumatismes qui ont été vécus, ça va prendre du temps. Et ça ne veut pas dire que la peur est disparue. En revanche, on peut dire que commence un deuxième éveil national. Alors, les premiers, ce sont les maris. C'est eux qui lancent les choses. Ils ont certainement des personnalités fortes, courageuses. Je pense notamment au président de l'Union des écrivains, qui était ministre de la Culture, Mikhail Rybakov, qui, en 1989, prend l'initiative qu'on n'avait jamais vue, d'inviter à Yoshkar-Ola les écrivains finno-ougriens, de partout. J'ai envie de dire du monde entier. Il vient des Hongrois, des États-Unis, et de partout en Russie. Et c'est la première fois, alors moi je n'y étais pas, mais il se trouve que j'ai eu toutes les interventions, les textes de toutes les interventions. Pour la première fois, les gens parlent justement de ces agressions contre les identités nationales, contre les cultures nationales, contre les langues. On a des chiffres, on a des... Et en Marielle, la politique suit dans le sens où le premier président élu du Marielle, qui est la République socialiste soviétique autonome, Marie, prend le nom de pays Marie, Marie elle, le premier président est un mari. De manière générale, en Union soviétique, le numéro 1 du parti était un russe, le numéro 2 était un autochtone. Il y avait comme ça des règles qui se respectaient. Ben là, le numéro 1 devient... Nous sommes en 1989. 90. C'est suivi partout, à peu près, avec des nuances. Surtout, des mouvements nationaux se mettent en place. C'est-à-dire, les intellectuels, surtout autochtones, se rassemblent et décident de former des mouvements, des associations. Alors, ce ne sont nulle part, ils n'ont formé de partis politiques. Mais ce sont des associations qui sont censées porter les intérêts de la nationalité centrale et qui sont censées intervenir dans le monde politique, intervenir dans le domaine politique. Cela a des conséquences. Les langues sont reconnues pratiquement partout à égalité avec le russe comme langue officielle. C'est aussi une période d'euphorie, une période de création artistique. C'est une période de revalorisation de la langue. Mais c'est aussi une période où certaines tensions intra-ethniques émergent. Je pense notamment... Ça ne concerne pas les Ougons, ça concerne les maris et les morts. Je prends l'exemple des maris. Au Marielle, il y a deux groupes ethniques, deux grands groupes ethniques. Il y a les maris des plaines, qui occupent ce territoire-là, c'est les plus nombreux, et les maris des collines, qui occupent cette partie-là. Alors pourquoi des collines ? La première fois que j'ai lu l'expression « les maris des montagnes », ça m'a beaucoup étonnée, parce qu'il n'y a pas de montagne, à ce point-là. C'est tout simplement que les berges de la Volga sont un peu plus abruptes qu'ailleurs. C'est ça, alors. J'ai utilisé « maris des collines » pour un petit peu atténuer la chose. Alors, ils parlent deux dialectes, qui sont clairement des dialectes de la même langue. Il y a une certaine intercompréhension, mais il y a une identité très claire de ces dialectes. Notamment, le mari des collines a une harmonie vocalique très rigoureuse, a une diversité vocalique beaucoup plus grande que le mari des plaines, qui est dominant. Et là, il y a eu une tension entre les deux éléments de la communauté mari, les uns voulant unifier la langue mari pour renforcer l'identité mari, et les autres disant non, nous sommes là, nous avons notre langue et nous la gardons. Donc il y a des tensions dans cette période. C'est une période, j'ai envie de dire, de réveil pour tout le monde. Et pas forcément de réveil dans un esprit de consolidation. Moi, j'ai une expérience personnelle un petit peu plus tardive de consolidation de la langue en Union aussi, puisqu'en 1994, j'ai assisté à des congrès justement du Mouvement national ounourte. Et j'ai assisté à un congrès en février de l'Union pour la culture ounourte et en octobre un congrès du Mouvement national ounourte. Et entre les deux, j'ai senti l'évolution qu'il y avait eu dans la langue. Parce que le premier, j'avais à peu près compris la moitié des choses, parce que l'utilisation de mots russes était tellement prégnante dans la langue que j'avais pratiquement pas de difficulté à suivre. Le deuxième, je ne comprenais plus rien. Parce que déjà, dans l'année 94, l'intégration d'un vocabulaire politique nouveau s'était faite. Difficile de dire quand ce mouvement retombe. Il n'y a pas de date précise, mais il y a clairement une inquiétude dans la population russe, dans les forces politiques russes, avec cette parade des nationalités, c'est comme ça qu'on l'a appelée, hein, au début des années 90. Une inquiétude du corps politique russe, surtout, c'est pas tant les finno-ougriens, comme d'habitude, qui les inquiètent, c'est ceux qui sont plus aguerris. Il y a surtout deux républiques qui ruent dans les brancards et qui vont susciter des réactions de la part de l'État central. C'est d'une part le Tatarstan, qui une très grande conscience de lui-même. Enfin, les Tatars ont été au centre d'un empire. Les Tatars n'ont aucun complexe vis-à-vis des Russes. Et puis, vers la porte, la République Sakha, les Yakoutes, qui sont aussi des Turcs d'ailleurs, qui ont une position importante, considérable dans leur territoire. Yakoutsk est une ville yakoute, c'est pas une ville russe, contrairement à la plupart des capitales. Et la question, c'est qu'en Yakoutie, il y a énormément de ressources minérales. Et la Yakoutie réclame la gestion et le bénéfice de ces ressources minérales. Et c'est là-dessus, c'est autour des revendications du Tatarstan, qui sont surtout des revendications symboliques, d'ailleurs. Par exemple, la volonté de faire passer le tatar à l'alphabet latin, qui va être nié par la Douma d'État, qui, au début des années 2000, dit que toutes les langues de la Fédération de Russie doivent être écrites en cyrillique. Pour la République des Sahara, c'est beaucoup plus économique que cela. Et on voit, à la fin de la décennie, que la reprise en main s'amorce. Alors, certaines questions vont être au centre de cette reprise en main. Reprise en main qui est d'autant plus facile que la population russe est dominante partout. Il n'y a nulle part, sauf au Tatarstan, je crois, mais ailleurs, les populations autochtones ne sont pas dominantes. Alors, la première, c'est la question de l'administration locale, l'administration des républiques. Au début, les présidents sont élus. Ils sont élus au suffrage universel. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé à inquiéter les autorités centrales. Et en 2005, la décision a été prise de transformer ces responsables de l'administration républicaine en préfet, j'ai envie de dire. Le mot n'a pas été utilisé, hein, mais en représentant l'administration centrale. Ils sont nommés par le président. Et ça a permis d'affirmer la reprise en main. Et quand la reprise en main a été faite, en 2011, on est revenu à des élections. Donc, à noter que c'est Medvedev qui qui revient au système d'élection. Il y a une sorte de jeu entre Poutine et Medvedev, entre le bon et le méchant. Et Medvedev a plutôt joué le rôle du gentil. Cette question a beaucoup divisé dans les régions. Parce que, d'une part, la volonté des mouvements nationaux d'avoir des présidents issus de l'ethnie éponyme ont été tout à fait affirmés partout. En même temps, il n'est pas difficile de se rendre compte de ce qu'aurait pu donner, par exemple en Oudmourtie, le fait d'avoir un président oudmourte. Une population à dominante russe ne pourrait qu'être le président de tout le monde. Et donc, ça aurait plutôt été un otage. Donc, ça aurait été quelque chose de symbolique qui aurait donné beaucoup de satisfaction, mais qui aurait peu pu, à mon avis du moins, qui aurait peu pu changer la situation. J'ai parlé de l'alphabet. La réforme administrative est une chose qui... c'est un serpent de mer. Il y a eu une grosse réforme administrative qui a touché en fait les Comiternians. Pas seulement les Comiternians, ça a touché d'autres régions nationales, justement les arrondissements nationaux, les Tchouktches notamment. L'idée était d'éliminer cette forme d'autonomie. Et la solution a été d'organiser des référendums. Nous n'avons pas d'illusion sur la manière dont le référendum a été organisé chez les Comiternians. Il n'y a pas eu la possibilité pour les partisans du non de faire une campagne électorale. Enfin, il y a toutes sortes de mesures administratives, je pense qu'on les connaît et on s'en doute, pour créer des problèmes, pour ne pas permettre finalement à la solution non voulue de l'emporter. Et dans un pays où le consensus est quelque chose de tellement important, ça marche bien. Alors, manifestement, il n'y a pas eu d'autres réformes administratives, mais il en est question. C'est pour ça que je dis que c'est un serpent de mer. Le pouvoir central actuel n'est pas satisfait de l'organisation qui avait été conçue pour l'Union soviétique sur la base de l'ethnicité. Et il a envie de revenir là-dessus. On le sent dans des déclarations de ministres, dans des ballons d'essai qui sont envoyés. Mais en même temps, c'est difficile. C'est difficile, donc tout est structuré là-dessus, les gens sont habitués. Et ils sont relativement prudents là-dessus. Mais on le voit idéologiquement, on voit une évolution dans le sens des conceptions françaises de la nation. En ce moment, le grand nom de l'anthropologie ou de l'ethnologie russe, Valéry Tichkov, a développé la conception du peuple russien, «российский народ». Russe est un terme qui désigne une ethnie, mais il y a un terme en russe qui désigne la citoyenneté de la Russie. Et Tichkov développe l'idée d'un peuple russien, c'est-à-dire d'une sorte de supranationalité qui devrait contribuer à faire disparaître les particularismes. C'est un processus délicat, mais on voit de différents côtés la volonté du pouvoir d'évoluer du moins dans ce sens. Par exemple, la création de grandes régions dans lesquelles il y a en même temps des unités ethniques et des unités non ethniques. Parce que certaines de ces unités ethniques, par exemple, sont très lourdement endettées. Donc on va les mettre à côté, dit-on du moins, avec des unités qui sont économiquement plus en meilleure position pour moins peser sur le budget de l'État. Bref, Tout ça, c'était général, mais je pense que c'était important. Alors, quelques exemples maintenant. Peut-être aussi évoquer le fait que le dernier recensement, 2010, ça fait un moment, mais a été catastrophique du point de vue démographique. Ça, je pense que vous avez tous entendu parler. Ça a donné lieu à toutes sortes de... La population de la Russie est en baisse, pour toutes les, tous les groupes finno-ougriens aussi, d'ailleurs, presque. Il y a des mesures qui ont été prises pour encourager la natalité, pour encourager la, pour redonner une vie aux campagnes. On peut dire qu'il y a aujourd'hui une vie politique atrophisée, puisque les mouvements nationaux n'interviennent pratiquement pas dans la vie politique. Ils ont certains d'entre eux ont été fortement atteints de gérontocratie ou bien ont été fortement attaqués et leur puissance a pu diminuer. Quelle différence entre Russie unie et le Parti communiste de l'Union soviétique du point de vue de la présence sur la scène politique? Il n'y en a plus vraiment beaucoup, puisque quand on redit aujourd'hui en Russie le parti, et le parti c'est le Parti Russie unie, on a les mêmes signes qu'il y avait avant, et un énorme consensus, si on pense notamment à ce qui s'est passé avec la Crimée. La Crimée est à nous est le slogan de 98% des citoyens de Russie. Et ceux qui ne partagent pas se trouvent ostracisés. Il y a eu un ballon d'essai qui a été lancé en 2001, encore au Mariel. Quand ce monsieur a été porté à la présidence, il s'appelle Leonid Markelov. Il est du parti de Jirinovski. Et il est arrivé dans des élections extrêmement contestées à la présidence, avec des bandes de voyous qui traversaient la campagne, une certaine violence, finalement, qu'on voit assez rarement en Russie. Il avait le soutien présidentiel. Et il a tout de suite lancé une activité anti-mari. Mais tout de suite. Aussi bien du point de vue officiel, c'est-à-dire qu'on a fermé des locaux d'institutions mari sous prétexte que les normes d'hygiène n'étaient pas respectées. Enfin, toutes sortes de moyens bien connus. Les responsables du mouvement mari ont commencé à subir des attaques personnelles physiques, c'est-à-dire à se faire tabasser dans la rue. C'est devenu vraiment très extrêmement tendu. Alors, en 2007, il a rejoint Russie Unie. Ça montre aussi, c'est aussi un exemple d'ailleurs de ce mouvement vers le Parti Uni. Mais ce ballon d'essai n'a pas forcément donné le résultat qu'il voulait, c'est-à-dire de voir si en fait les ethnies avaient une sorte de pouvoir de résistance. Parce que les Estoniens s'en sont mêlés, les Estoniens et les Hongrois s'en sont mêlés, et il y a eu en 2005 une résolution du Parlement européen blâmant la Russie pour ce qui se passait au Mariel. Et là, il y a eu on a l'un des rares exemples d'intervention internationale qui a fait changer quelque chose en Russie, parce que Markelov n'a pas continué sa politique active anti-mari. Et je dirais la situation est un peu retombée. Mais je pense qu'on peut interpréter cette expérience comme une tentative de voir jusqu'à quel point c'est possible de faire disparaître de la scène politique les nationalités dans ces régions. En même temps, il y a des changements dans l'approche des populations, et notamment ce qui me frappe ces dernières années, c'est l'émergence de sociétés civiles. C'est l'expérience d'une initiative venue d'en bas, Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu, évidemment, dans la période soviétique, mais même dans la période post-soviétique, elle était assez limitée. C'est-à-dire qu'on n'attend plus de l'État. On n'y croit plus. Et on va essayer de faire soi-même. Et on voit, et ça c'est justement ce dont je voudrais vous parler à propos de l'Oudmoursi, on voit dans la société émerger des initiatives peu coordonnées pour promouvoir tout ce qui est Oudmourte dans les domaines les plus diversifiés possibles et le moins politique possible. C'est-à-dire, il y a une sorte, et finalement si je vous ai parlé de tout cet arrière-plan, c'est aussi pour vous montrer pourquoi on ne croit pas aux politiques. Et pourquoi le champ politique semble aujourd'hui un champ désespéré. Et donc, ce n'est pas sur ce champ-là qu'on va assurer le maintien et le bien-être des cultures autochtones. Les générations qui s'attachent au champ politique sont les générations plus âgées, évidemment. Les plus jeunes cherchent d'autres voies. Mais en Oudmoursie, le mouvement national Oudmourte, qui était vraiment un mouvement gérontocrate, a fait il y a 2 ans un choix étonnant. C'est Tatiana Ishmartova qui a été élue présidente de ce mouvement. Une jeune femme, elle avait été présidente du mouvement des jeunes. C'est une chanteuse, une fille qui a fait des études d'anglais, ouverture sur le monde, et qui fait partie de ceux qui cherchent aussi d'autres voies. Alors, est-ce que ça va... Elle est née en 80. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va assurer au mouvement Kenesh une nouvelle place dans la vie politique? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais peut-être qu'elle a donné plus d'espoir, et notamment, elle a permis de... combler le fossé entre ce mouvement et les jeunes. Parce que les jeunes commençaient vraiment à arriver dans le brancard. Ils ne se retrouvaient pas du tout dans ce mouvement national. Pour l'instant, je dois le préciser, il n'y a pas de répression pour ceux qui travaillent à la base. Je dis pour l'instant, je ne peux pas en dire davantage. Alors je vais vous donner un certain nombre d'exemples de ce travail à la base. Et, alors, à la base, et peut-être j'exagère un petit peu, mais c'est un travail qui implique en tout cas de l'initiative venant de la base. La présence de la langue dans l'espace public. Il faut savoir qu'Ijevsk est une ville, pour nous parler maintenant vraiment de l'Oudmoursie, est une ville russe. C'est une ville qui s'est construite autour de l'industrie métallurgique, et plus précisément au XXe siècle, de l'industrie d'armes, les SS-20, les Kalachnikov, c'est Ijevsk, dans la ville, en périmètre de la ville. C'est une ville dans laquelle on a des églises à la gloire des fabricants d'armes, des statues à la gloire des fabricants d'armes. On a des phénomènes comme ça, assez étonnants. Dans l'espace public, on commence à voir apparaître des choses qui étaient impensables il y a 10 ans. Alors, cette photo, il se trouve que j'étais en début de matinée, mais vous voyez les emblèmes Oudmourte, c'est en fait des kiosques où sont vendues des petites pizzas Oudmourte. C'est un plat que les Oudmourtes font chez eux, mais qui ne se trouvait pas du tout dans l'espace public. Maintenant, on le trouve dans l'espace public, par exemple, maintenant, on les voit, c'est ça, c'est un quiche péripéche, qui est un plat rituel. Enfin, un plat de tous les jours et un plat de fête, plutôt un plat rituel qu'on fait à la maison. Maintenant, on peut en trouver dans le commerce, ce qui n'était pas du tout le cas encore il y a 5-6 ans. La langue commence à apparaître. Udmurt tiledin danyashke, l'Udmurtie est fier de vous. Alors, je suppose que de l'autre côté, il y avait la même chose écrite en russe. Hein. Mais on voit apparaître des écrits en Oudmourte dans la... par exemple, ici, apteka, c'est du russe, mais emiumi, c'est de l'Oudmourte. Donc, les deux langues commencent, et ça, c'est de l'initiative privée. Dans les panneaux, voilà un village qui est à proximité d'Ijevsk, le nom russe Kamennaya, village de la pierre, le nom oudmour Izgout, village de la pierre, aussi, et maintenant apparaît ici, on a l'entrée dans un département, Oudmoursi. Alors, Malopourdinsky Rayon, donc ça, c'est du russe. Mais Pichipurga Kiros, c'est de l'Oudmourte. Là, on est à un certain niveau officiel. Et on l'a aussi, par exemple, dans des panneaux indiquant les rivières. Le petit P, la R, Reka Pirogovka, c'est du russe. Mais Pirogshur, c'est de l'Oudmourte. Il y a un dynamisme accru des médias. Aujourd'hui, on peut avoir Udmurtunye, qui est le quotidien Udmurt en ligne. Et c'est un quotidien qui est entièrement en Udmurt, comme ceux qui connaissent le russe peuvent le voir sur les côtés. Ou bien sur les pages des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les Oudmours communiquent en Oudmours sur les réseaux sociaux. Donc là, vous avez l'annonce d'un concert, et puis toutes sortes d'autres informations personnelles qui vont être en Oudmours. Ça, c'est une initiative des jeunes. Alors, Monverashkishko Oudmourkulun veut dire je parle Oudmours. Et c'est un badge qui a été distribué dans les magasins pour montrer qu'il y a quelqu'un dans le magasin avec qui on peut parler Oudmourte. Donc, initiative tout à fait privée, mais qui a eu beaucoup de succès. Et partout où il y a quelqu'un qui parle Oudmourte dans le magasin, ben, il y a ce badge qui annonce. Le street art. Alors, ce qui est frappant dans cette forme d'expression, c'est qu'en général, il y a deux langues, mais ce n'est pas l'oudmourte et le russe. C'est l'oudmourte et l'anglais. C'est-à-dire, c'est la volonté de s'inscrire en tant que tel dans un espace mondialisé. Donc, on le voit bien dans cet exemple, mais il y en a d'autres. Et puis, ils ont commencé à produire des films en Oudmourte. Vous avez l'adresse en haut, vous pouvez le regarder. En fait, il y en a quelques-uns maintenant qui parlent des problèmes, pas seulement des problèmes, parlent de la vie des jeunes Oudmourtes à la campagne et à la ville, avec les questions qui les préoccupent. Alors, celle-ci, vous pouvez distinguer le mot « comédia ». C'est effectivement une comédie, c'est une histoire d'amour. C'est gentillesse, c'est grand public. Mais justement, l'idée, c'est d'avoir des choses grand public qui puissent être vues de la part de tout le monde et qui puissent être un divertissement intéressant pour tout le monde. La mode. Les Oudmourtes ont beaucoup investi la mode. Alors, c'est sans doute... Vous savez, chaque personne compte dans ce type d'entreprise, chaque personne compte, et il y a une jeune intellectuelle Oudmourte qui a pris à bras le corps, qui a créé Mademoiselle Oudmourte, ça s'appelle Mademoiselle Oudmourte, qui est une association qui forme des mannequins et qui encourage la création d'une mode contemporaine Oudmourte, inspirée des vêtements traditionnels Oudmourte, et là vous en avez quelques exemples. Vous avez là l'exemple d'un défilé organisé par Mademoiselle Oudmourte, ou aussi dans les parures, l'encouragement d'un style folk. Tout cela donne une visibilité moderne à la présence Oudmourte. Alors, vous connaissez ces dames? Ça vous dit quelque chose? Ben oui, ça s'appelle Val, je ne doutais pas que tu les aies connues. C'est les babouchkas de Douanovo. Alors, si je vous ai demandé si vous les connaissiez, c'est parce qu'elles ont quand même été connues un peu dans le monde entier. Quand, une année, elles ont représenté la Russie au Festival de l'Eurovision. Oui, la Russie. Elles ont eu un assez bon résultat. Ça veut dire qu'elles ont gagné le concours interne à la Russie. Et ça, c'est à l'Eurovision, c'est quelque chose de relativement rare. Ce sont des mémés d'un village. Dans tous les villages, les mémés chantent. D'ailleurs, tout le monde s'y chante, on va y revenir. Parce que la chanson est... Mais peut-être effectivement quelques mots sur la chanson. En 1926, le principal poète oulmourt écrit un article, Les Oulmourts dans la chanson, et il souligne à quel point tout ce que font les Oulmourts s'accompagne de chansons. Les Oulmourts vivent en chanson. Je l'ai constaté moi-même en y allant pour la première fois en 1994, que partout où j'allais, on était accueillis par des chansons. Je n'étais pas une délégation officielle. J'étais accueilli par des chansons, il y a des chansons pour toutes les occasions. Et j'ai pu voir à Tartu à l'époque des étudiants, c'était la chanson est un moyen d'expression, c'est un moyen de communication. Encore aujourd'hui, quand les Oulmourts se retrouvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Plus qu'ils ne parlent d'ailleurs. Ils chantent. Donc le chant est quelque chose qui va vraiment très en profondeur dans leur culture. Et comme dans tous les villages, les mémés se rassemblent et chantent. À Gouranovo, l'une d'entre elles, un jour, a entendu quelque part une mélodie des Beatles. Et elle s'est dit, mais elle est très bien cette mélodie, il faudrait qu'on la chante. Et ils ont comme ça intégré dans leur répertoire des mélodies de variété occidentale. Et elles ont commencé à devenir célèbres de cette manière, mais tout en chantant des chants d'oulmourts. Il n'y a pas du tout de contradiction. Alors, est-ce que... Voyons si on peut... Si ça marche. Peut-être qu'il faut le câble du son. Ah, peut-être. Ah, oui. Oui. C'est sur vos oreilles. Ça, c'est donc à Bakou, à l'Eurovision. Elles se sont amusées comme des petites folles. On a un petit aperçu de ce qu'elles ont fait. Elles ont utilisé l'argent qu'elles ont gagné avec leurs prestations pour reconstruire l'église du village. Mais en fait, c'est pas réellement une histoire très belle parce que leur Leur manager a estimé à un certain moment qu'elles étaient de mettre aux vieilles et qu'il fallait arrêter. Et donc, il leur a interdit de chanter leur chanson et il a recruté des mémés un peu moins vieilles qui ont gardé le nom. Donc, elles se sont fait avoir. Mais je pense que c'est un phénomène qui a quand même apporté un peu de célébrité à l'eau de Mourcy. Alors, il y a une chose qui est aussi extrêmement importante et que moi j'ai eu l'occasion de vivre en septembre dernier, c'est un phénomène qu'on appelle les discothèques oudmourtes. C'est évidemment extrêmement important d'avoir les jeunes, de convaincre les jeunes de la dignité de leur culture. Grunwald, tu as été à des choses de ce type ? À Moscou. À Moscou. C'est vrai que moi j'avais été étonnée de voir à quel point les gens parlaient de ces discothèques ethniques avec fierté, organiser des discothèques ethniques, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait des soirées dans des discothèques ordinaires, mais des soirées où on va danser et chanter sur de la musique pop, mais ethnique. C'est-à-dire d'abord qu'il y en a. Or, il y en a pour tenir des soirées aussi bien chez les maris que chez les oudmourtes. Quand des jeunes oudmourtes se retrouvent entre eux, je vous l'ai dit, on chante, on danse aussi. Expérience que moi j'ai eu tout à fait récemment, où j'avais accueilli deux jeunes oudmourtes à la maison et où dans ma cuisine, pendant une semaine, c'est ce qu'on a fait, hein, on a chanté, on a dansé. Parce que c'est la manière d'être. Donc une discothèque oudmourte, finalement, c'est un endroit qui fait, où l'on fait les choses qu'on fait d'habitude quand on est ensemble. On chante et on danse. On chante, parce que en général, les jeunes connaissent les chansons. Ils connaissent les textes des chansons qui passent. Alors moi, je voudrais insister sur... Il faut le remettre en mode diapo. Alors, en mode diapo, c'était c'est, là. Vois, voilà, c'est là, là. C'est là. Et puis ah ben je suis là, donc je continue. Oui. Du coup, et c'est ce sur quoi je vais terminer. Je vais prendre deux exemples. Deux exemples de, justement, de pop oudmourte qui pénètrent en profondeur et sont deux exemples très différents. J'ai pris un peu les deux opposés dans tout le spectre que l'on trouve aujourd'hui. Et je les prends parce qu'ils sont, d'une part, on a affaire au même profil, un profil tout à fait identique, et puis à des choix complètement différents. Profil identique, 27 ans. Deux jeunes garçons. Profil identique, universitaire. Ils sont doctorants tous les deux. L'un est doctorant en histoire, l'autre est doctorant en folklore. Ils ne viennent pas de la capitale. Et puis ça s'arrête là. Et ils chantent des choses qui apportent au mouvement oudmourte, qui apportent à l'identité oudmourte. De l'aliment pour le renforcer, mais de manière très différente. Alors, le premier, c'est Bogdan Filgenov. Tu connais ? Ben non. C'est ces dernières années qu'il a émergé. Bogdan est né, ben justement, le rayon qu'on a vu de Pichipurga, Malopurginsky. Lui, il est né dans Rochebleu, dans une famille oudmourte, mais russisée. C'est-à-dire que lui n'a pas eu l'oudmourte comme langue maternelle. Et il a acquis l'oudmourte comme langue maternelle au fil de sa vie. Il a voulu l'acquérir et il l'a acquis. Et aujourd'hui, il publie de la poésie. Il a publié il y a un an et demi un recueil qui a eu d'ailleurs un prix littéraire en Finlande. C'est un recueil de poésie hybride russe-oudmourte. Un peu la langue que parlent beaucoup de jeunes. Et lui, il n'a pas, il n'a pas de racines oudmourtes. Il n'a pas de profondes racines oudmourtes. C'est lui qui se les crée. Alors, il va utiliser une. Je vais vous montrer ce qu'il fait. Un clip sur une chanson qu'il appelait Super Oudmourte. Les Super Oudmourtes. Il fait la promotion finalement de l'oudmourtitude avec un mélange de russe et d'oumourte. Et voyons si j'y arrive. Oui, non. On devrait y arriver. 3 minutes. Alors, je suis citoyen de la République d'Udmurtie, c'est pas lui. Nous sommes nombreux. Je répète à tes mots. La République, ça nous concerne. C'est une phrase de ce garçon qui va donc finir. C'est quelqu'un qui repose sur le rythme, catharsis par le rythme. Là, il parle en russe. Il énumère des lieux de localité ouverte. Là, il y a deux mots qui commencent à apparaître. Bon. Je pense que là, vous avez à peu près compris de quoi il est question. Lui est évidemment extrêmement populaire parmi les jeunes, surtout parmi les jeunes. Je ne dirais pas qu'il rassemble l'ensemble de la population. Il y a des gens qui l'énervent. Il énerve par cet hybride, justement, qui est la caractéristique de l'oudmour, souvent parlé par les jeunes entre eux, qui sont peu puristes. Alors l'autre extrême, c'est Nikolaï Anisimov. Nikolaï Anisimov, donc 27 ans, doctorant aussi. Lui, il est né dans un petit village du sud de l'Oudmourtie, de 130 habitants, à la frontière du Tatarstan. Le Tatarstan est à 10 mètres. Et lui, il est dans une famille oudmourte, on ne parle qu'oudmourte au village. Au village, il y a une famille russe, mais ils comprennent l'oudmourte, dont chacun parle sa langue. Ça se passe très bien. Quand la famille se réunit, qu'est-ce qu'on fait? On chante. Donc, lui, il a grandi dans le milieu, dans des champs. Il a grandi dans le champ. Et bah, il a aimé ça. Ni Bogdan, ni lui n'ont de formation musicale. Mais il chante depuis qu'il est enfant. Il accompagnait sa maman à la ferme du kolkhoz quand elle allait traire les vaches. Et il chantait pour les trayeuses, pour les distraire. Et puis à un certain moment, il s'est mis à composer. Il n'a pas de formation musicale, donc il y a des mélodies qui viennent, et il les chante, et puis il fait les paroles. Et c'est exactement le contraire de Bogdan, dans le sens où son inspiration est totalement inscrite dans le terreau, et c'est certainement pas le rythme qui crée la catharsis. C'est la mélodie. C'est comme le chant traditionnel oudmourt, il y a une courbe mélodique qui est souvent extrêmement assez complexe, mais c'est par elle que le message passe. Alors lui, il est apprécié par toute la population, parce que tout le monde trouve quelque chose. Alors il a des accompagnements qui permettent aux jeunes de se sentir à l'aise. Et il y a cette mélodie qui permet à l'ensemble de la population de s'y retrouver. Alors, Voyons si on va réussir à avoir. Alors voyons si mon manifeste, on a internet. Non. Si oui, on a internet. Mon internet, c'est un peu. Oui, voilà. Oui. Voyons. Ça me donne quelque chose. Plus à la flèche. Alors, on va avoir quand même quelque chose. Ouais, j'ai un peu de mal avec les. Il faut pour descendre, c'est ça? Oui. Il faut prendre le curseur sur le côté, soit la flèche. Là, je ne vois pas. Ouais. Ouais, c'est vrai que là. Voilà. Oh, bah. Bon, on va prendre ce champ-là. Italmas. Alors, c'est un. C'est un chant des Oudmours du Bashkortostan qui est devenu une sorte d'hymne. C'est-à-dire quand ils le chantent, tout le monde se lève, en général, et le chante évidemment avec eux. Donc ils le chantent avec une Oudmourte du Bashkortostan. Si tu cliques sur le bleu, normalement c'est bon. Ouais. D'accord. Yeah. on veut avoir un petit peu de temps pour une ou deux questions. Je voulais simplement maintenant vous en faire encore une dernière. D'accord. Voilà. Parce que tu vois, on va au restaurant à 13h, 13h10. Oui, ça. Alors, celle-ci, quelques mots sur ce chant, donc c'est un chant populaire que tout le monde connaît. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais. C'est le même. Voilà. Donc, c'est un chant populaire qui a été avec un arrangement qui fait que, bon, là on retrouve, les jeunes s'y retrouvent. Et. Quand en septembre, je suis sortie de la discothèque Oudmour vers 3h du matin avec lui, en repartant, on entendait les gens sur la place qui la chantaient. Donc ça, c'est une pénétration qui va vraiment très loin. Et la dernière exemple que je voulais apporter, c'est un chant alors qui est de lui, totalement. Ce n'est pas un chant populaire, mais c'est un chant qui développe un thème important. Je retourne au village. Quand je retourne dans mon village, et bon, je me sens bien, et puis on décrit ce qui se passe dans le village, et puis je m'arrête. Voilà, je m'arrête parce que vous avez eu un peu l'idée du titre de chant et de mélodie. Merci. Je termine, je continue. Merci. Alors, je ne sais pas trop comment procéder parce qu'on va être presque tous à ta table avec toi. Donc on peut continuer. Oui, non, mais je pense que. Mais il y a aussi des gens qui prennent des trains, dont je fais partie. Ouais. Je peut-être que ceux qui ne viennent pas manger avec nous sont prioritaires pour poser la question. Ou les questions. Je ne sais pas trop ce que c'est que d'être confronté à une culture monolingue militante. Alors. Non, je plaisante. Non, mais non, tu sais pas. Tu es sûr que tu ne sais pas. Non, en Bretagne, on ne sait pas du tout ce que c'est. Non, est-ce qu'il y a des miroirs, là Je m'en doutais. Qui ne vient pas manger avec nous? Ben, moi. Ouais. Il y avait juste une chose qui m'intriguait, c'est une petite minuscule chose. Hein, oui. Tu as parlé à un moment, dans les années 20, d'un détour par l'alphabet latin tout d'un coup. Et pourquoi, comment et pourquoi ça fait ça, c'est un demi-tour et puis s'en va. Ça, c'est un beau sujet. Il y a eu un épisode entre 1922 et 1936. où le passage à l'alphabet latin a été à l'ordre du jour pour toutes les langues de l'Union soviétique. Enfin, 22. Sauf le russe. Non, il a été question pour le russe aussi. En 1920, Lénine avait lancé un slogan en disant que l'alphabet latin, c'était la révolution pour l'Orient. Que voulait-il dire ? La Russie doit intégrer dans le monde soviétique des millions de musulmans, dont les langues s'écrivent avec l'alphabet arabe. Le tatar s'écrit en alphabet arabe, toutes les langues de l'Asie centrale, l'Azérie, s'écrivent en alphabet arabe. L'alphabet arabe les rattache à une culture qui n'est pas la Russie, les rattache à la Mecque. C'est un alphabet religieux. C'est en plus un alphabet qui n'est pas très bon pour les langues en question. C'est un alphabet qui, évidemment, a été conçu pour l'arabe. Les langues turciques, qui sont des langues à très fort vocalisme, sont extrêmement pénalisés par un alphabet qui ne note pas les voyelles. Donc, l'idée qu'avait Lénine et qu'ont développé les communistes de ces régions était de dire passons à l'alphabet latin, parce que ça permettra l'alphabétisation de nos populations de manière beaucoup plus simple, et puis ça brisera le lien avec le monde arabe. Et les premiers sont les Azéris qui passent en 22 à l'alphabet latin. Alors, le Turc va suivre quelque chose d'à peu près analogue, mais un tout petit peu plus tard, avec Atatürk. Pour faire passer ces langues à l'alphabet latin, ils ont été amenés à concevoir, il y a une commission du nouvel alphabet, à concevoir une sorte de banque de phonèmes graphèmes, c'est-à-dire chaque phonème va être désigné par une lettre. Et les langues vont piocher dans cette banque ce dont elles ont besoin. Et ils ont commencé à trouver que c'était une très bonne idée. Et cet alphabet latin, finalement, c'était quand même l'alphabet de Marx. Hein. C'est l'alphabet celui était celui de Marx. Donc, il pouvait valoir pour toutes les langues qui étaient en train de se créer à l'écrit en Russie à ce moment-là. Les langues du Nord, notamment, toutes ces langues-là ont été créées en alphabet latin. Et puis, on s'est dit, mais finalement, pourquoi pas les autres ? Sauf que notre alphabet latin sera un alphabet latin rationalisé. Regardez comment il l'utilise en Europe. Ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a aucune logique dans la manière dont l'alphabet latin est utilisé dans les langues capitalistes. Nous, on va rationaliser, on va s'en servir, et toujours dans le même principe, un graphème, un phonème. Et il y a eu deux revues scientifiques qui ont été créées dans le début des années 30, révolution et latinisation, il a été question que le russe passe à l'alphabet latin. Le commis, par exemple, est passé à l'alphabet latin officiellement entre 1932 et 1934. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut vouloir dire pour les imprimeries. C'est-à-dire que d'abord, il y a des choses qui sont en russe, donc on a les imprimeries en cyrillique, et puis c'est pas du numérique hein, à l'époque. C'est du camp. Mais il y a l'alphabet, c'est des années 20. Il y a du Molotsov, l'alphabet connu. Il y a de l'alphabet latin, et tout ça, ça doit fonctionner à peu près ensemble, et puis les uns doivent être remplacés par les autres. Enfin. Et puis en 1936, à peu près partout, entre 36 et 38, disons. Les directions du parti décident de repasser à l'alphabet cyrillique. C'est l'invasion russe, j'ai envie de dire. Mais en même temps, qui repose sur une réaction, je pense, qui est tout à fait réelle, c'est que pour les populations, ce n'était pas confortable. Les enfants devaient apprendre deux alphabets à l'école, des enfants qui souvent n'étaient pas habitués à aller à l'école devaient apprendre deux alphabets, avec des instituteurs qui ne les connaissaient pas. Parce que pour Lénine, l'alphabet latin, c'était rien du tout. Il avait l'habitude, il avait vécu dans des pays où l'alphabet latin. Mais pour la plupart des gens, les instituteurs ne les connaissaient pas, devaient les apprendre. Les parents d'élèves ne pouvaient pas aider leurs enfants. Bon. Voilà. Alors, quel est le rôle de Marx et des linguistes à cet appartement ? Alors, c'est un rôle qui n'est pas, ne porte pas sur cette question-là. Marx est tout à fait partisan de la latinisation. Mais il va plutôt intervenir dans d'autres domaines idéologiques de la linguistique que là-dessus. Je n'ai pas... J'essaie de voir si dans les revues j'ai trouvé des articles de Marx, mais il n'y en avait pas. Il n'intervient pas là-dessus. Ouais. Non. Quant à linguiste stalinien, ouais, qui travaille sur des questions d'origine des langues, sur le japhétisme... et qui, d'ailleurs, ces positions, qui sont positions officielles de la linguistique sous Staline, vont très vite devenir des positions inacceptables pour la linguistique soviétique. C'est trans et gloria mundi. D'accord. Il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une question sur la transmission de la langue. Oui. Vous avez parlé des jeunes. Comment ça se passe, en fait ? Quelle est leur première langue ? Est-ce que la transmission de la langue mongolienne se fait régulièrement ? La transmission de la langue a été interrompue. J'ai mentionné dans cette période de stagnation, même les intellectuels ne transmettaient pas la langue à leurs enfants. Surtout les intellectuels, oui, effectivement. C'est comme chez nous, en tout cas. C'est vrai. ne parlait pas aux mourtes à la maison parce que ça ne servait à rien et ça ne risquait que de les mettre en difficulté. Ça aussi, c'est mon monolingue, le monolingue militant, c'est que tout le monde est convaincu, ils ont réussi à convaincre tout le monde que de connaître leur langue maternelle ne pourra que les handicaper pour bien maîtriser le russe. Maintenant, il y a des milieux sociaux dans lesquels l'humour s'est toujours transmis. Je pense à la campagne. Le milieu de la campagne est très favorable à la préservation de l'eau de mourte. Dans les villages, les gens parlent de mourte entre eux, ils parlent de mourte à leurs enfants. C'est dans les villages oudmourtes. Dès qu'il y avait un russe quelque part, par politesse, on passe au russe. Vous devez connaître ça. C'est la raison pour laquelle, quand je suis en milieu oudmourte, je me tais, en général. Je laisse parler les autres qui parlent oudmourte mieux que moi, pour ne pas les amener à changer de langue. Rien pour moi. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a davantage de gens qui transmettent à leurs enfants. Mais c'est ceux qui ont une certaine conscience idéologique. C'est-à-dire, ça commence à l'être dans les milieux d'intellectuels. Hein, les milieux d'intellectuels, de jeunes intellectuels essayent de transmettre à leurs enfants. C'est toujours dans les milieux ruraux. Il reste un grand vide dans les milieux urbains. Qui vivent en russe et où il faut vraiment un niveau de conscience identitaire très fort pour faire l'effort de parler aux zones mortes. Il y a une chose qui a changé considérablement dans cette dernière décennie, je l'ai vu changer de mes yeux. Quand j'ai commencé à aller en Oudmourtie, environ jusqu'en 2005, moi j'étais avec des amis qui parlaient Oudmourtie à leurs enfants. Et quand ils le faisaient dans les transports publics, ils se faisaient insulter. Ils se faisaient traiter de barbares, des nommés qui les accusaient de ne pas aimer leurs enfants. Ça, non, ça ne se fait plus. Ça n'arrive plus. Aujourd'hui, on entend davantage les gens parler oudmourte entre eux. Ce qui n'était pas le cas avant. Ils n'osaient pas, enfin... Quand vous vous faites insulter un certain nombre de fois comme ça, c'est pas agréable. Donc, de ce point de vue-là, des enquêtes sociologiques montrent que l'attitude, notamment parmi les jeunes non-oudmourtes, vis-à-vis des oudmourtes, a changé. C'est une attitude maintenant de beaucoup plus de respect, et notamment les discothèques oudmourtes, par exemple, sont extrêmement populaires parmi les non-oudmourtes. Il y a beaucoup de gens qui viennent sans connaître l'oudmourte, mais parce que simplement ils aiment être là. C'était impensable avant ça. Donc il y a, du moins dans le respect, une évolution dans les populations jeunes non autochtones. Peut-être que beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, se reconnaissent des origines lointaines et sont intéressées par leurs origines lointaines, même si les parents sont russifiés ou même s'il y a... L'un des problèmes des recensements en Russie, à mon avis, enfin, j'ai écrit un article récemment sur le recensement, justement, est qu'ils ne rendent pas compte de la multiplicité des identités. Une case. Vous cochez une case. Ouais. C'est binaire, quoi. C'est binaire. C'est zéro. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Alors qu'il y a de plus en plus de couples mixtes, donc de plus en plus d'enfants qui se rattachent à deux ou plusieurs identités. Alors, ça fait partie d'un débat. C'est pas... Les recensements en Russie, c'est des choses très sérieuses. Les gens réfléchissent sérieusement. Enfin, c'est pas des diktats politiques. Il y a de véritables réflexions. La question est posée. Il ne faudrait pas essayer d'en rendre compte pour mieux comprendre ce qui se passe. Il y a sans doute beaucoup de gens. Une expérience qu'a mon ami Sébastien Cagnoli... En pays commis, il parle commis, il ne parle pas russe. Bon, et alors, il découvre ainsi, c'est une très belle position, parce qu'il découvre qu'il y a plein de gens qui veulent parler avec le français, qui ont donc une motivation, et qu'il découvre que finalement, ils savent un peu le commis aussi, quand même. Même si, certainement, ces jeunes qui se disent russes et qui, au recensement, vont certainement dire qu'ils ne parlent pas commis. Mais s'il y a un Français avec qui ils veulent parler, et que la seule solution c'est de parler commis, eh ben, ils vont quand même se rappeler qu'ils ont une grand-mère quelque part au village, et qu'ils en ont... et puis ils vont arriver à baragouiner. Donc, de ce point de vue-là, je pense que pour l'humour, ça marche aussi un petit peu comme ça. La question de la motivation est une question très forte. Et de ce point de vue-là, Anisimov me disait récemment qu'il avait fait des concerts dans le nord de l'Oudmourtie où les gens ne parlent pas oudmourte et que les gens se bousculaient à l'entrée et pleuraient. Parce que, Merci. Merci.